assez de moi chez la queen. Est-ce que Dieu pourra la sauver si je deviens sa copine? Oups, j'aime pas l'anglais. Je sais jamais l'anglais. Des verbes irréguliers. Oups, j'aime pas l'anglais. 2/20 de moyenne. Pas de quoi se vanter. Mais je m'en dis cours particuliers avec un voisin sous British. Sa marmelade et leur dîner. Il sait que je m'en fiche. Tout ce que j'ai appris en 6 mois, c'est que Madonna is rich. Mais l'anglais ne serait pas du chinois si mon prof était braqué. Oups, j'aime pas l'anglais. Je sais jamais la reine des verbes irréguliers. Oups, j'aime pas l'anglais. 2/20 de moyenne. Pas de quoi se vanter. Il faut comprendre ce que je dis. C'est un peu mission impossible. Il paraît que même à l'écrit, j'ai un accent terrible. Mais l'anglais, à quoi ça me sert de le parler couramment? Car ce n'est pas en Angleterre que vit mon prince charmant. Je suis douée pour toutes les matières, les maths et la géographie. Y'a que pour la langue d'Angleterre que j'ai bien du souci. Oups, j'aime pas l'anglais. www.dj.com